Les trous noirs sont très bien décrits par les équations de la relativité générale d'Albert Einstein. Mais ces équations sont si complexes du fait de leur non-linéarité que personne jusqu'à présent n'avait réussi à déterminer la forme de l'espace-temps autour d'un couple de trous noirs proches de fusionner. Eh bien, ce que vous voyez là est le résultat de cette quête enfin réussie. Cet objet très étrange, comme fait de petits bouts tout noirs, est exactement ce qu'un observateur passant à proximité d'un couple de trous noirs verrait en les regardant. Comment une telle déformation est-elle possible ? Les trous noirs sont-ils déchirés pour former des petites protubérances ? Non. Les deux trous noirs sont encore deux objets tout à fait distincts. Mais ils produisent un très fort effet de lentille gravitationnelle en déformant l'espace-temps autour d'eux. Et chaque trou noir du couple faisant d'eux-mêmes, il se produit des effets optiques très étranges. Les effets de lentille gravitationnelle produits par un seul trou noir ont été étudiés et sont assez facilement calculables depuis les années 70. Rappelons que ce phénomène vient du fait que l'espace-temps se déforme par la présence d'une forte densité de matière. Les rayons de lumière parcourent une ligne droite, mais sur un canevas d'espace-temps qui se trouve incurvé, semblant ainsi parcourir des trajectoires curvilignes à proximité de la masse responsable. Et la présence des deux trous noirs côte à côte, qui plus est en rotation très rapide l'un autour de l'autre, rend les équations affreuses, pour ne pas dire impossibles, à résoudre. Mais les progrès de l'informatique étant ce qu'ils sont, la résolution de telles équations sont devenues possibles. Et ont pu être mises en application sur des cas concrets pour calculer toutes les distorsions des trajets des photons lumineux venant de l'arrière-plan d'un couple de trous noirs. Cette étude, animée par l'astrophysicien Andy Bone du Center for Radiophysics and Space Research de Cornell University, est l'objet d'un article paru il y a quelques jours sur le site de Preprint Archive. C'est la première fois que nous pouvons voir à quoi doit ressembler un couple de trous noirs très rapprochés. La technique employée par Bone et ses collègues est une technique appelée le ray casting. Ils produisent une image géométrique en calculant le trajet des rayons lumineux de la caméra jusqu'à l'infini en interposant au milieu l'objet modifiant le dit trajet, c'est-à-dire les solutions des équations du couple de trous noirs ainsi que les trous noirs eux-mêmes, par lesquels aucun rayon ne peut passer, bien sûr, zone noire. Bone et son équipe ont commencé doucement par simuler un seul trou noir qui montre déjà des effets intéressants, comme par exemple une asymétrie dû au sens de rotation du trou, qui permet à un photon d'approcher plus près s'il se déplace dans la même direction que la rotation de l'espace-temps emportée par le trou noir. Puis, ils ont ajouté un second trou noir en interaction avec le premier, et c'est là que c'est devenu fascinant. Les chercheurs ont vu apparaître ces formes tout à fait surprenantes, où des morceaux de trous noirs en forme de gros sourcils apparaissent à côté de chacun des deux trous noirs initiaux, eux-mêmes très déformés, très loin d'une forme sphérique. Et quand on y regarde de près, on peut en outre apercevoir à côté de ces gros sourcils de plus petites formes noires oblongues, des ombres comme une suite fractale de zones de trous noirs, d'où ne parviennent aucun photon. C'est grâce à ce type d'image géométrique construite à partir d'une projection à l'infini de rayons, en y appliquant les bonnes équations, que Bone et Hall ont pu produire cette belle image que je vous montre en début de billet, avec la Voie lactée en image de fond d'un hypothétique couple de trous noirs. On peut se demander s'il est possible de voir en vrai de tels effets depuis la Terre. La réponse est aujourd'hui non. Oui, pour commencer à voir de tels effets, il faudrait avoir sous la main un tel couple de trous noirs situé à une distance vraiment très proche, ou encore avoir des télescopes permettant une résolution d'image extrêmement haute que nous sommes encore loin de concevoir. Il semble également qu'un tel couple de trous noirs qui serait entouré de matière d'un disque d'accrétion ressemblerait, vu d'un peu plus loin, à un trou noir unique. Mais un jour futur viendra où un homme verra réellement cette grande illusion cosmique et ne sera pas surpris outre mesure, car il saura désormais à quoi s'attendre. En attendant cette future observation, Andy Bone et son équipe s'attaquent maintenant à simuler les effets de lentille gravitationnelle d'objets en couple, peut-être un peu plus accessibles, comme des couples d'étoiles à neutrons ou des couples mixtes, étoiles à neutrons, trous noirs. De belles images à venir. Vous pouvez retrouver l'article qui décrit ces modélisations sur Archive, le lien est en bas de ce post. L'article s'appelle « What would a binary black hole merger look like ?» Hein, et ben ouais, la réponse, vous l'avez.